Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, L'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 88-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Ça a été annoncé il y a quelque temps. David Desharnais s'en va en Russie dans la KHL. Une nouvelle qui peut quand même un peu surprendre. Pourquoi la Russie, on lui parle? Salut David! Salut! David, d'abord, pourquoi la Russie? Moi, honnêtement, je ne suis pas surpris que ça se termine en Europe, mais moi, j'aurais pensé plus la Suisse au lieu de la KHL. Ça, c'est un choix personnel, mais okay. Je pense que j'aime bien le fait que Maxime Talbot soit là. C'est sûr que pour les sous et le reste, c'est ça serait peut-être mieux en Suisse, mais éventuellement, c'est plus d'aller en Suisse. Mais pour l'instant, je pense que la KHL était une bonne option pour la transition. OK. Est-ce que tu aurais préféré attendre au moins le marché des joueurs autonomes? Il était pas trop tard là, pour espérer signer une entente avec une équipe de la Ligue nationale, là? Non, c'est sûr, mais écoute... À la date limite des échanges, j'ai pas été capable de me trouver une équipe, donc je me suis dit que peut-être le 1er juillet ça allait être pareil. Puis je voulais juste pas perdre ma chance d'avoir de la job cette année. Puis comme je viens de dire, c'est une décision personnelle. Je suis très très satisfait de ce que j'ai accompli dans la Ligue nationale. Ben oui. J'étais prêt à partir, donc ça n'a pas été une décision très, très difficile pour moi. Si je t'écoutais au 98.5 la semaine passée avec Mario Langlois, tu disais « Mon rêve, c'était d'en jouer une, puis j'en ai joué 500 parties. » On peut dire mission accomplie, hein? Mais non, c'est sûr, puis c'est pas comme si j'arrêtais de jouer au hockey non plus. Je m'en vais quand même jouer... je continue ma carrière, c'est juste une nouvelle aventure. Puis comme je viens de dire, je suis très satisfait de ce que j'ai fait. J'ai joué pour le Canadien, j'ai joué pour les Rangers, j'ai joué pour Edmonton. C'est sûr que j'aurais aimé gagner une Coupe Stanley comme n'importe qui joue en Ligue nationale, ben mais oui. C'est pas quelque chose de facile à faire. Puis, écoute, j'ai joué sur la première ligne du Canadien pendant 3-4 ans, puis je suis très, très content. Puis, je pense que là, je veux jouer. Je veux pas, comme je l'ai dit dans d'autres entrevues, je veux jouer, je veux pas rester sur le banc. Puis là, ben, la Ligue nationale, c'est un petit peu ça qui me tannait, là, de pas jouer à le temps de glace que j'aurais aimé. Pas que je le mérite, mais je pense que je suis rendu là dans ma carrière de dire, justement, je peux choisir un peu où aller. Puis pour moi, c'est ça l'important. Donc, ton choix d'équipe dans la KHL, est-ce qu'il y avait plusieurs équipes ou qui étaient intéressées David Desharnais dans la... Je parle de la KHL, là, je parle pas de la Ligue nationale. Oui, oui. Ou encore, c'était juste celui avec celle-ci que tu as négocié? Ben, je te dirais qu'il y avait... Eux autres, il y avait de l'intérêt. Puis, juste à cause que Max Talbot était là, j'ai comme pas vraiment forcé sur d'autres équipes. OK. Je me suis concentré sur celle-là, puis j'ai pas vraiment... Ça, j'ai pas vraiment regardé d'autres options. Là, je pense que okay. Si on avait poussé, peut-être qu'on aurait pu aller ailleurs, mais cette équipe me faisait l'affaire, donc je peux pas te répondre. OK. Est-ce que j'imagine que le fait de dominer dans une... parce que tu es un joueur offensif quand même, d'être un des meilleurs marqueurs de la Ligue, de ton équipe et de la Ligue, ça a dû aider aussi là, dans ton choix, là. pas juste jouer, parce que je pense que tu vas quand même très bien t'en tirer là-bas, là. Non, c'est sûr, mais exact. J'ai toujours, pour finir d'un premier scoreur, et comme tu viens de dire, il faut que tu joues, puis ça vient avec, là, le temps de jeu veut dire plus d'opportunités, plus de points, plus de temps de glace, tout vient ensemble. Et dans l'équipe que tu vas rejoindre, tu as Maxime Talbot, que tout le monde connaît, est-ce qu'il y a d'autres joueurs connus de la ligne du grand public qui oeuvrent? Non. Non, pas vraiment. Je pense pas que c'est des joueurs qui que la population connaîtrait. Ok. J'ai deux trois petites questions pour terminer. Il y en a un qui puisque j'ai demandé aux auditeurs s'il y avait des questions, puis il y en a un qui te pose la question. Comment t'entrevois la vie en Russie? C'est sûr que ça va être différent, mais écoute, ma vie est pas très, très compliquée. Je reviens chez nous après une pratique. Je suis avec ma famille, je suis avec mon petit gars. Qu'on soit en Russie ou qu'on soit à New York, ou qu'on soit à Edmonton ou qu'on soit à Montréal, c'est toujours la même chose. Donc, c'est sûr que d'aller au restaurant, la langue et tout, ça va être un petit peu différent. Mais sinon, pendant une saison de hockey, comme je viens de dire, tu vas à l'aréna, tu travailles, puis tu reviens chez vous, puis tu passes du temps avec ton monde. Donc, Mais il reste quand même que la culture est totalement différente. Là. Ça va être les restaurants, la langue un petit peu, mais la plupart du temps, je vais être avec ma famille à la maison. Donc, je pourrais vous répondre l'année prochaine, mais je pense pas que ça va être si compliqué que ça. OK. David, on va te souhaiter la meilleure des chances. J'ai bien hâte de voir de te suivre la KHL. Évidemment, c'est le deuxième circuit d'importance après la Ligue nationale. Donc, certainement qu'on va suivre déjà. On l'a suivi un peu plus en raison de la présence d'André Markov cette année. J'imagine que ça va être très intéressant. On va te suivre de là-bas. OK. Merci beaucoup. Voilà, David Dernier, l'ex-porte-couleur des Saguenay de Chicoutimi.